qu'ils avaient besoin de faire face à l'inconnu, d'affronter des épreuves, les humains, aux quatre coins du monde, ont inventé des rituels. Ces coutumes, ces gestes, parfois millénaires, qui se transmettent de génération en génération, ont pour but d'accueillir une naissance, d'accompagner le passage à l'âge adulte, de soigner le corps malade, d'unir deux êtres ou deux clans, ou encore d'affronter la mort d'un proche. Que révèlent ces rituels de la culture et des peurs de ceux qui les pratiquent? Comment se transforment-ils au fil de l'histoire? Quelle place donnent-ils au sacré et au surnaturel? Voici quelques-unes des questions qu'aborde Philippe Charlier dans son dernier livre intitulé « Rituels » paru aux éditions du Cerf. Médecin et anthropologue, il dirige le département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Cet après-midi, il nous emmène à la découverte de rituels quotidiens ou extraordinaires pratiqués dans des cultures très différentes, de Madagascar au Pérou, en passant par les îles Samoa ou la France. Et en toute fin d'émission, désert hostile, île oubliée et territoire interdit, nous découvrirons quelques lieux singuliers de notre planète avec Aude de Tocqueville, auteur d'un atlas des terres sauvages aux éditions Artaud. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Avec ça, je sens que ma petite grand-mère peut me voir depuis l'au-delà. Et qu'elle est heureuse car on est avec elle. On fait la fête ensemble et on communique grâce à ce cerf-volant. Allez, on va tous lever ensemble. Des cerfs-volants pour entrer en contact avec les défunts au Guatemala. Bonjour Philippe Charlier. Bonjour. Vous évoquez cette fête du cerf-volant dans votre dernier livre consacré au rituel paru aux éditions du Cerf. Comment se déroule cette fête alors, avec vraiment beaucoup de monde et dans la joie et la bonne humeur, on l'entend. La joie, la bonne humeur, il y a des orchestres, il y a un petit peu d'alcool et d'autres substances qui circulent. C'est vraiment extrêmement joyeux. C'est une fête de connivence entre les générations des vivants et les générations des morts. Et d'immenses cerfs-volants vont être dressés. Tous ne vont d'ailleurs pas pouvoir voler car ils sont tellement grands. Ils font plusieurs dizaines de mètres de diamètre parfois. Ils sont là plus comme une décoration, comme un symbole de puissance, si on peut dire, de la famille, et surtout une sorte d'attraction, un peu comme une antenne parabolique, si vous permettez cette métaphore un peu moderne, une antenne parabolique à destination des morts, pour que les vivants leur disent « Venez, regardez, on vous appelle, on vous attire, on a envie que vous veniez faire la fête, communier ». Au sens premier du terme, avec nous. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être triste, parce que c'est pas une négation de la mort, c'est une négation de la distance ineffaçable entre les vivants et les morts. Les gens viennent de très loin pour non pas se recueillir, mais vraiment faire la fête. C'est une fête des morts et de la mort, mais c'est surtout une fête. Et beaucoup de rituels existent autour de la mort. Les humains, pour supporter cette séparation, ont besoin de rituels. J'assistais à des funérailles catholiques romaines il y a peu de temps et le prêtre a utilisé un bon mot, je trouvais, pour la mort. Il a dit que c'était un scandale. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter, c'est scandaleux de mourir. Et pour organiser un peu ce chaos qui est celui de la perte d'un être cher, la disparition, le fait qu'on va plus pouvoir l'embrasser, l'avoir dans les bras, échanger de façon directe avec lui, on a besoin de ne pas être démuni. Et les rituels sont là pour qu'on sache exactement quoi faire, avec qui, dans quelle position et surtout au moment de la mort. À Madagascar, pour garder un lien avec les membres de la famille décédée, il y a le Fama Diana, rituel de retournement des corps. Ce rituel consiste tous les 7 ans à exhumer le corps des défunts dans une ambiance là encore très festive. La procession prend des airs de carnaval. Les membres de la famille invitent dans la danse les défunts qui vont être sortis du tombeau. La joie qui s'en dégage me fait presque oublier que je vais bientôt assister à une exhumation. Le plus vieux des ancêtres est le premier à sortir à la lumière. Puis, l'un après l'autre, les corps sont exhumés par les différents membres de la famille. C'est enfin au tour de Jean et de ses frères et sœurs de sortir le corps de leur père. Je suis frappée par la tendresse de ses gestes, comme si ce corps sous le linceul n'était pas autre chose que l'homme qu'ils avaient toujours connu. Mais la nostalgie des retrouvailles est rapidement conjurée par la fête. Le corps du père de Jean est drapé dans son nouveau linceul. On en resserre les liens. Puis sa dépouille est disposée sur les jambes de ses descendants. C'est intéressant la façon dont vous vous asseyez avec votre père sur les cuisses. C'est important de faire ça ? Avant, on s'asseyait sur ses genoux à lui. Mais désormais, c'est nous qui le mettons sur nos genoux. Tu penses qu'il peut ressentir ça ? Dans notre croyance, on pense qu'il nous regarde en ce moment. Et on pense qu'il est content de nous voir. Je suis heureux, vraiment heureux. Parce que j'ai rempli mon devoir envers mon père et envers la communauté. Mais ce n'est pas un adieu. Il est parti en voyage, mais il reviendra. On se reverra. Extrait de la série documentaire Rituel du Monde, diffusée sur Arte, à l'origine de laquelle vous êtes, hein, Philippe Charlier. Le retournement des corps, c'est un rituel qui est beaucoup pratiqué à Madagascar. Oui, il est assez pratiqué. Il est un tout petit peu en perte de vitesse, principalement sous l'influence d'églises néo-protestantes qui considèrent que ça ne doit plus se faire. Bon, je ne juge pas. C'est un rituel qui est extrêmement important et qui, à nouveau, montre cette volonté des communautés d'effacer la distance entre les vivants et les morts. Là, il ne s'agit pas de les attirer, puisqu'ils sont directement sous la main, si on peut dire. Il s'agit de les sortir, de prouver qu'ils sont toujours matériellement palpables. On peut les prendre sur les genoux, on les appelle par leur nom, il y a de l'émotion, mais c'est toujours la joie qui prédomine. C'est vrai que quand on entend parler de cette pratique pour la première fois, il y a quelque chose, quand on ne fait pas partie de cette culture, d'assez terrifiant, hein, l'idée d'aller exhumer le corps de proches. Et finalement, quand on voit les images, il y a quelque chose de très tendre dans le rapport des vivants avec leurs ancêtres, leurs proches décédés. C'est exactement le bon mot. C'est un rapport de tendresse, un rapport d'humanité, un rapport de toi qui es mort, tu as pris soin de moi lorsque tu étais vivant, lorsque moi j'étais tout petit. Et bien maintenant, on va inverser la tendance. Toi, tu es inerte, tu ne peux plus t'occuper de toi. Je vais te montrer à quel point je tiens à toi, à quel point ton corps, même mort, compte encore pour moi. C'est aussi une façon de recréer du lien dans toute la famille. Les différentes générations s'effacent les unes après les autres, les distensions aussi s'effacent, les luttes, non pas claniques, mais vraiment intrafamiliales, et toutes les générations font bloc pour honorer la mémoire des ancêtres. Ouais. Alors, il est important, ce rituel, pour la cohésion sociale, hein, vous nous l'expliquez, pour la mémoire des anciens, ce qui explique qu'à Madagascar, bien que la population soit très pauvre, hein, c'est un des pays les plus pauvres au monde, et pourtant, énormément d'argent est investi dans ce rituel. Tout le monde est habillé avec des habits neufs. Il faut nourrir la centaine de personnes qui viennent assister à cette cérémonie. Il faut même parfois payer leur voyage pour venir jusque-là. Parfois, on sacrifie des bœufs également. Ça coûte très cher. Il faut payer les petits orchestres. On entendait bien dans le documentaire qu'il y a un petit orchestre qui joue. On les nourrit, on les loge parfois. Ça a un coût, mais c'est le coût nécessaire à cette cohésion. Sans cette fête, sans le famadinha, sans le retournement, c'est-à-dire en fait la mobilité du corps mort, eh bien ça serait peut-être justement le chaos. Alors justement, c'est organiser le chaos, faire face au chaos, ces rituels, et peut-être apaiser les peurs autour de la mort. Je voudrais vous faire écouter les mots de Jean Rouge, célèbre ethnologue, qui a filmé de nombreux rituels. Il s'est notamment intéressé aux rituels et aux croyances des Dogons, un peuple du Mali. Et voici ce qu'il répondait lorsqu'on lui demandait ce que ses croyances lui avaient apporté. M'apporter deux choses. La première, c'est de ne pas avoir peur de la mort, qui est le drame des religions révélées, les chrétiens ont une trouille épouvantable de la mort. Bon, et les rituels chrétiens d'enterrement, c'est horrible, enfin, c'est quelque chose d'abominable. Donc, ça, c'est un point. Et avec l'idée que, à la fois les Dogons, c'est que les morts sont nécessaires pour que les vivants existent. Donc, il y a une relation étroite. Une relation étroite. Donc, il faut mourir pour que la vie existe. Et les Dogons m'ont dit, est-ce que tu n'as pas rencontré dans la plaine des gens qui marchent sans regarder à droite et à gauche, on les salue, ils ne répondent pas. Moi je dis oui, ben c'est un mort qui est en train d'aller vers mon gars. Alors j'étais prêt à filmer ça, mais je crois qu'il n'y aurait rien sur la pellicule, tu vois. Jean Rouch en 1997 dans Les Nuits Magnétiques de France Culture. Philippe Charlier, est-ce que comme Jean Rouch, connaître les rituels et les croyances d'autres cultures vous procure un certain apaisement face à la mort ? Un apaisement, un début de réponse à pas mal de questions, oui. Je voudrais juste rebondir sur la dernière phrase de Jean Rouch, qu'il est impossible de filmer un mort en train d'aller vers sa dernière demeure. Il m'est arrivé en Haïti de vouloir photographier un zombie dans une rizière dans la plaine de l'Artibonite. Et la pellicule, en l'occurrence, n'a pas du tout été impressionnée. J'avais une magnifique vue de la rizière. J'étais à une très faible distance et je n'avais absolument rien sur la pellicule. Alors là, il faut que vous nous expliquiez. Qu'est-ce qu'on appelle les zombies? Parce qu'effectivement, vous êtes beaucoup intéressé à Haïti. Qu'est-ce qu'on appelle les zombies là-bas? Les zombies, ce sont des individus qui, sur le plan magico-religieux, ont été drogués, ont vécu un enterrement réel, une mort factice, et qui ensuite ont été sortis de terre par un sorcier qu'on appelle un bokor, et ils travaillent depuis dans des champs de canne à sucre, dans des rizières ou dans des usines ou au service d'autres bokors, mais de façon cachée. Ce sont des gens qui ont été jugés par des sociétés secrètes, les Bisango, les Champouel, le Cochon Gris, Cochon Marron, des descendants des esclaves révoltés contre les Français dès le XVIIIe siècle, début du XIXe, et qui continuent à faire régner cette justice parallèle, qui est une justice non pas vaudou, mais vraiment marginale du vaudou. Donc les zombies sont des individus palpables, réels, qui existent réellement, pas les zombies de pacotille de Walking Dead, l'industrie cinématographique hollywoodienne, mais ils ont quelque chose de magico-religieux. Et vous voyez, tout bon médecin et anthropologue que je suis, il y a des choses que je ne peux pas m'expliquer, mais ça me rassure de savoir que Jean Rouche, lui non plus, n'arrivait pas à s'expliquer ça. Mais c'est-à-dire que vraiment vous considérez que cet homme, avec tout ce qu'il avait vécu, n'a pas imprimé... Force est de constater qu'il n'a pas imprimé la pellicule. En effet, il y a eu une bonne dizaine de photos et les vues des rizières sont magnifiques. Ouais. Donc ça veut dire qu'être anthropologue, s'intéresser à ces questions-là, ça rend un peu, je ne sais pas comment il faut le dire, mystique. Ça donne des contacts avec le surnaturel. Les contacts avec le surnaturel sont très fréquents puisqu'on s'intéresse à des rites qui sont autour de la naissance, de la maladie, de la mort. Donc par définition, c'est quelque chose qui est à la limite entre le naturel et l'autre monde. En revanche, ça rend surtout conscient de ses propres limites d'interprétation et de compréhension. Il y a des choses que moi, en tant que scientifique, je ne peux pas expliquer, et ça n'est absolument pas extraordinaire, c'est juste connaître les limites de sa compréhension. Vous allez nous emmener, Philippe Charlier, à la découverte de rituels qui ont cours sur les 5 continents. Comment se déroulent-ils? Que révèlent-ils des peurs et des préoccupations qui taraudent les humains? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette discussion. Angels, but they were in disguise. Took one look to realize. Tell them anything and they will sympathize. These arms hold me tight. Old fears help to ease them in my mind. New tears say that they will giant time. Why me? How'd I get this? Hallelujah. Hallelujah. Laughing together like our thoughts are harmonized. Been that way since 95. Give me direction when it is hard to find. Three roads, one light. Now and then I can lean my back to yours. Traveling like our feet don't touch the floor. Why me? How'd I get this? Hallelujah. C'était Alléluia de Haim sur France Inter. France Inter, du vent dans les synapses. Conduisant le défilé, voici le masque à zagaï, le renard, le maître du désordre. Il a 6 yeux autour de la tête. Il tient à la main une crosse de voleur rituel Il cherche la Yasigi, sa jumelle perdue depuis le commencement du monde. Petit masque d'Yobi, porté par les enfants. Petit cavalier Peul, avec leur lance, leur gourde, leur cheval de bois. Masque moriné, les marabouts, portant cheveux longs, grands boubous verts et ardoises coraniques, s'agitant en vain contre le dama qu'ils condamnent, mais auquel ils participent. Masque Dionouné, le guérisseur, Dionguserou, le premier ancêtre mort, protecteur du défilé des masques, avec son chasse-mouche et son vase à médecine. Un défilé de masques chez les Dogons, au Mali. C'est un extrait d'un documentaire de Jean Rouche, encore lui, le Dama d'Ambra, Enchanter la mort, c'est le titre de son documentaire. Le Dama, c'est un rituel funéraire qui dure 3 jours chez les Dogons. Philippe Charlier, vous parlez du rôle des masques dans votre ouvrage Rituel aux éditions du Cerf. Des masques sont souvent utilisés lors des rituels. Pourquoi sont-ils si importants, ces masques ? Les masques ont vraiment des rôles multiples, des rôles pluriels. Un des premiers rôles, c'est celui de changer d'humanité, de changer d'état, tout simplement. Celui qui porte le masque n'est plus vraiment un homme, ça n'est plus vraiment un initié. C'est une divinité, c'est un souffle, c'est une entité. Et par là même, elle permet à des divinités, des entités, des souffles de descendre sur Terre, de s'incarner et d'être visible et d'interagir avec les autres. Dans d'autres contextes, les masques permettent de simplement transmettre une histoire. On sait très bien qu'il y a un homme ou une femme, c'est assez rare, derrière, et c'est simplement un transmetteur d'histoire, comme un masque soit de carnaval, soit un masque de théâtre ou de pantomime. Mmh. Donc la mascarade, c'est le fait de dissimuler, de changer un tout petit peu l'identité de celui qui porte le masque. Ouais, la mascarade, hein, ça vient évidemment ça vient de là. Parfois, ce sont des masques aussi passeport, c'est-à-dire que ce sont des masques qui ne sont pas portés, qu'on a dans la poche et qui servent simplement à se faire reconnaître comme initié de bas ou de haut grade, comme appartenant également à une population ou à une autre. Donc il n'y a pas un rôle d'un masque, mais le masque dit énormément de choses sur la civilisation à laquelle il appartient, sur la façon de représenter le naturel et le surnaturel. Quel statut vous donnez à ces masques exposés ou conservés au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui ne sont plus dans leur contexte, qui ne sont plus en mouvement? Ce sont des masques qui sont en sommeil. Ils sont d'abord préservés et conservés. Ce qui est important pour la génération future, c'est le rôle d'un musée. Sinon, sur le plan, on va dire, culturel ou anthropologique, ils sont en sommeil. Certains masques nécessitent d'être nourris, d'être alimentés. C'est-à-dire? Notamment certains masques Dogon, ceux, par exemple, qui sont présents sur le plateau des collections au musée du Quai Branly Jacques Chirac, certains ont une petite croûte de matière sacrificielle à leur surface, qui signifie que pour donner de la vitalité au masque, lui permettre d'être actif, de se charger d'énergie et de la diffuser, eh bien, il faut le nourrir avec du gruau, c'est une sorte de purée ou de céréales, d'eau et d'huile. Parfois, ce peut être du sang ou autre chose, comme n'importe quel autre objet magico-religieux, comme un mot qu'on n'aime pas trop en anthropologie, un fétiche, ou comme une statue de culte, ou comme d'autres objets consacrés. Mais alors, ça veut dire qu'il y a des conservateurs, il y a des gens chargés au musée du Quai Branly de nourrir les masques, comme vous dites ? Non. Les masques sont dans un état stable. Il y a des restaurateurs, bien entendu, des conservateurs qui sont chargés d'assurer le bon état de génération en génération de ces masques. Mais non, ils ne sont pas nourris. Ouais. Ce seraient les populations d'origine qui devraient le faire si les masques étaient toujours dans leur contexte initial. Le masque change l'apparence de façon transitoire de celui qui le porte. Et puis, il y a les tatouages. Alors, les tatouages changent l'apparence de façon définitive. Quel rôle jouent-ils là aussi ? Dans de nombreuses cultures, ils ont un rôle au cœur de certains rituels. Les tatouages sont là pour marquer l'appartenance d'un individu à un clan, à une communauté ou à une sous-communauté. J'ai parlé tout à l'heure de sociétés secrètes, ce peuvent être le cas, mais il y a aussi une vocation de protection, de beaucoup de tatouages ou de scarification. Par exemple, quand je travaillais sur la population venant d'Érythrée ou venant du Sud-Soudan, que j'étais médecin soit en prison, soit dans un centre d'accueil de migrants demandant le statut de réfugié, beaucoup de ceux-là portaient des lésions à type de scarification ou de tatouage qui étaient tout autour de l'abdomen, passant par le nombril, ou juste en avant du cœur, ou tout autour de la tête au niveau du front. Il s'agissait là d'être protégé protection magico-religieuse à nouveau. On voit toujours l'incision de la peau, mais ça n'est pas que l'incision de la peau. On introduit à l'intérieur des paroles de protection qui pénètrent littéralement dans les chairs. On peut mettre aussi un tout petit peu de la terre provenant du tombeau d'un homme saint. On peut également prendre une page du Coran ou d'un autre texte saint qu'on va brûler et les cendres ou l'eau qui s'est nourrie de ces paroles sacrées va être déposée à l'intérieur de cette plaie. Donc, l'individu, il est nourri spirituellement, il est nourri intellectuellement et magiquement aussi par cette protection. Et l'acte de tatouer est aussi important parce que vous parlez notamment sur les îles Samoa où on fait ça à l'ancienne, c'est très douloureux, mais il ne faut surtout pas s'en plaindre parce que ça fait partie justement du rituel d'être capable d'affronter la douleur sans maudire. C'est un rite de passage qui permet d'accéder à l'âge adulte, on ne doit pas pleurer, faire la grimace, se plaindre, c'est très long, c'est en effet très douloureux. Je ne l'ai pas expérimenté à titre personnel, mais il ne faut pas être délicat. Il y a aussi autre chose. On l'avait vu sur les têtes, dans un autre contexte chronoculturel, sur les têtes maoris et sur la population maori, les tatouages faciaux, et c'est repris en partie dans l'iconographie de cet ouvrage, sont une sorte de carte d'identité de l'individu. Il est possible, rien qu'en lisant les tatouages sur le visage, autant chez les hommes que chez les femmes, de savoir s'ils vivent dans les îles du nord ou du sud, s'ils sont commerçants, plutôt d'un clan religieux ou d'un clan, on va dire, politique, savoir s'ils ont des enfants, s'ils sont mariés, etc. Donc rien qu'en voyant le visage d'un individu, comme si je vous regardais directement, je pourrais savoir quelles sont vos caractéristiques claniques, vos caractéristiques familiales ou, si on peut dire, votre statut socio-professionnel. Ouais. Ça veut dire que le tatouage évolue au fil de son histoire personnelle, le tatouage se transforme. Le tatouage est vivant comme l'individu qui le porte. Alors, il y a les rituels et puis il y a les rites. Voici comment Claude Lévi-Strauss parlait de l'importance des rites au micro de Jacques Chancel en 1981 dans Radioscopie. Je suis bien convaincu qu'une société humaine, quelle qu'elle soit, ne peut pas vivre sans des règles dont la valeur soit symbolique, c'est-à-dire soit très chargée de signification, qui serait difficile de transmettre à un grand nombre d'individus sous une forme ramassée. Je veux dire, on peut expliquer la signification de quelque chose, mais ça prend du temps, et comme ça prend du temps, ça n'est pas cette appréhension massive et globale qui constitue en elle-même un choc et apporte une émotion. Le rite, c'est ça. C'est un ensemble de mots, de gestes, d'attitudes, d'emplacements, de mouvements qui ramassent en un temps relativement restreint et sous une forme massive des choses qui seraient compliquées de faire passer autrement. La définition du rite que fait Claude Lévi-Strauss en 1981 au micro de Jacques Chancel s'applique-t-elle aussi au rituel et quelle différence vous faites entre les deux, Philippe Charlier ? La différence, c'est les rituels sont parfois assis sur des mythes dans la répétition de gestes, dans la répétition d'histoires, dans l'organisation de telle ou telle cérémonie. Mais il est vrai que quand on a un rituel à accomplir, on l'accomplit d'abord et ensuite on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Et il y a un caractère agrégatif, pour reprendre ce terme anthropologique, un caractère agrégatif du rituel, dans le sens où énormément de croyances, énormément de connaissances sont focalisées à un moment particulier, sur une portion congrue de la population ou de la communauté, pour passer un cap. Et ce franchissement de cap, ce moment du rituel qui permet de survivre en matière de cohésion, en matière d'unité et en matière de vitalité pour la communauté, il s'assied sur des traditions, il s'assied sur des mythes, il s'assied sur des symboles, sur des schémas, tout simplement, qui sont transmis de génération en génération. C'est pour cette raison, on le comprend en vous entendant et en entendant Claude Lévi-Strauss, que les anthropologues sont très attachés à observer et à comprendre ces rituels. Ce sont un peu des concentrés de culture, ils rassemblent énormément de choses, ils disent beaucoup de choses, des croyances et des cultures de ceux qui les pratiquent. tout le danger est d'observer, de comprendre, en ayant bien en tête deux grands écueils qu'il ne faut pas faire. Le premier, ne pas intervenir. Et le deuxième, ne pas se laisser pénétrer par sa propre culture, ne pas se laisser influencer par sa propre culture. C'est pour l'anthropologue qui observe, vous dites. Pour l'anthropologue qui observe, mais aussi pour l'anthropologue qui analyse. Il ne faut pas juger. On peut être comparatiste, bien entendu, mais surtout quand on est sur place, ce qui a été critiqué à certains anthropologues des années 1930 ou 40, il ne faut pas se laisser dire et se laisser voir ce qu'on a envie de dire et de voir. Mmh. On ne doit pas vivre son fantasme quand on assiste à un rituel, à une cérémonie, qu'on est en immersion dans telle ou telle population. Et c'est facile de se faire accepter pour assister à ces cérémonies. Vous venez de l'extérieur, comment on se fait accepter ? Je vais vous donner l'exemple des cérémonies vaudou du Bénin et d'Haïti auxquelles j'ai pu, par exemple, assister. Ça m'a pris plus d'une dizaine d'années à peu près pour pénétrer ces rituels, pour les comprendre également, et puis surtout pour y être inséré. Il a fallu montrer patte blanche, et montrer notamment une chose importante qui est qu'on n'a pas un esprit critique négatif de jugement occidental. Et comment êtes-vous sûr que votre présence n'influence pas ce qui se passe devant vous ? Autrement dit, le rituel que vous observez n'est-il pas transformé du fait que vous soyez là pour l'observer ? Alors d'abord, on n'en est jamais sûr, bien entendu. C'est toujours une limite théorique. On est plusieurs à observer. On confronte un peu nos données avec les données de la littérature ou d'autres observateurs et on se rend compte que, heureusement, les mêmes choses s'observent ou qu'il y a quelques petites différences qui ne tiennent pas à nous. Et puis ensuite, il y a un bon sens qui fait qu'on se rend compte que cette influence, soit elle est minime, soit elle est sans sens, si on peut dire. On va s'intéresser aux rituels pour soigner avec vous, Philippe Charlier, dans un instant. Et puis, nous évoquerons aussi des rituels pratiqués beaucoup plus près de chez nous, comme la fête de l'ours dans les Pyrénées. C'était Bittersweet Symphony, The Verve sur France Inter, et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Et nous voilà arrivés au Pérou, Philippe Charlier, dans votre ouvrage intitulé « Rituel » paru aux éditions du Cerf. Vous vous intéressez aux rituels autour de la guérison et vous parlez notamment d'un grand rassemblement, c'est un pèlerinage qui a lieu au Pérou, Las Huaringas. Racontez. Alors déjà, c'est un pèlerinage qui prend du temps, qui est toujours dans une zone qui est limitrophe entre un espace où on peut vivre et un espace où on peut mourir, puisqu'on est vraiment très très haut dans les montagnes andines. Une dizaine de lacs à peu près qui sont répartis, chacun consacré à une force de la nature, une divinité. On est dans une zone qui est vraiment mélangée entre des croyances ancestrales, notamment consacrées à Pachamama, la grande déesse mère, et puis quelques divinités un peu influencées par le christianisme. Et là, après une très longue pérégrination, après une sorte de régime alimentaire particulier, drastique, privation de nourriture, privation de sommeil également, on va être réveillé plusieurs fois pendant la nuit, on va faire des bains d'eau glacée, et puis on va consommer des produits qui sont pas hyper stupéfiants, mais qui sont plutôt émétisants, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer un vomissement de la part de l'individu. Et c'est vraiment ça l'idée qui prédomine dans Las Huaringas, c'est l'idée qu'on y va parce qu'on a quelque chose qui ne va pas, soit dans le corps, soit dans l'âme, soit parfois les deux. Et on va devoir, par l'intermédiaire d'un chaman, vomir littéralement cette mauvaise chose qui est en nous. On va devoir l'extérioriser, la chasser, et d'une façon extrêmement matérielle. C'était ça qui était assez intéressant, et on peut se tourner tantôt vers un lac, tantôt vers un autre, tantôt vers un champ de pierre. En fonction de la pathologie, de la maladie qui nous affecte ? Oui, en fonction de la pathologie, en fonction du mal plus précisément, qui nous habite. Et ce lac ou cette zone va être impure pendant un certain temps. Il va falloir un nouveau rituel, cette fois-ci, pour purifier cette zone qui, en fait, a été contaminée par le mal de ceux qui avaient quelque chose à sortir de leur trip, littéralement. Alors, en l'occurrence, la mixture qui est prise par les participants à ce pèlerinage est à base de cactus, un cactus local qui a des propriétés hallucinogènes, psychoactives. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les rituels, la prise de substances qui modifient la perception. Alors, on peut modifier la perception, on peut modifier le lien entre l'individu et son environnement, soit par des substances, en effet, soit par des privations, privation de sommeil, privation de nourriture, privation d'eau, soit encore par des états modifiés de conscience qui sont acquis par des pratiques type de transe autosuggestionnée. L'individu se met lui-même en transe. On peut tourner sur soi-même. Je pense aux dervish tourneurs qui auraient eu totalement leur place dans cet ouvrage. Voilà. On n'est pas obligé de consommer une substance stupéfiante, mais parfois ça peut faciliter, ça peut surtout accélérer le processus. Dans tous les rituels, en tout cas ceux que nous évoquons, il y a toujours une dimension surnaturelle. En fait, c'est inhérent au rituel, c'est de toute façon, il s'agit de rentrer en contact avec le divin, de donner un caractère sacré à toute chose. Il faut aussi montrer que le monde n'est pas unique. On ne voit pas le monde de la même façon, on ne l'entend pas non plus. Certains auditeurs entendront ma voix de façon plus ou moins aiguë ou plus ou moins grave. Le monde n'est pas ce que nous voyons. C'est aussi ce que disent ces rituels. Il y a quelque chose derrière ce qu'on ne voit pas, tout simplement. Il y a une jolie gravure dans un ouvrage de Flammarion que j'aime beaucoup. On voit un homme qui passe la tête de l'autre côté de la voûte céleste et là, il voit l'autre monde invisible. C'est un petit peu le sens des rituels. Les rituels sont là pour organiser le chaos, on l'a dit. Ils sont là aussi pour montrer que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit n'est pas la stricte réalité. Appelons ça le mysticisme, appelons ça la religion, appelons ça le surnaturel. C'est un peu la même chose, c'est ce qui reste à découvrir. Les rituels ne sont pas juste, n'ont pas juste cours dans des pays éloignés. On trouve des rituels en France, en Europe. Un exemple de rituel qui se déroule dans les Pyrénées, la fête de l'ours. On a mis trop d'huile là. Ouais. On a quitté 7 minutes, pas 3. J'ai mis 4 grammes de mousse là. Les ours s'enduisent les bras et le visage et la tête d'huile de cuisine. Maintenant, la fête de l'ours va pouvoir commencer. Une fois que l'ours est désigné, il y a toute une montée en puissance qui se fait jusqu'au moment où ils deviennent véridiquement des ours par une mutation psychologique et physique extrêmement nette. d'hommes, ils deviennent ours. Cette transition est magnifique à observer parce que d'abord, il y a une affirmation identitaire dans le groupe des jeunes hommes, une compétition qui se produit, une rivalité pour que celui qui est désigné soit reconnu par ses propres pairs qui pouvaient être aussi candidats. L'atmosphère s'échauffe de plus en plus. Ce n'est qu'un début. Les trois ours, rendus fous par les cris, par les provocations de la foule, vont attraper sur leur passage toutes les jeunes filles imprudentes qui osent s'approcher. Alors ils les jettent par terre, se roulent avec elles sur le sol, enduisent d'huile et de suie leur visage, leurs bras, leurs vêtements. Les filles sont méconnaissables. La fête de l'ours, extrait d'un reportage de Robert Arnault diffusé sur France Inter en 2001 dans Histoire possible et impossible. Vous avez déjà eu l'occasion d'assister à la fête de l'ours, Philippe Charlier? Oui, c'était à Prats de Molo. C'est un souvenir assez extraordinaire. Et ces fêtes de l'ours, j'ai même été mâchuré à un certain moment. C'est le terme utilisé quand on se fait noircir le visage. On est mâchuré. C'est un rituel assez intéressant dans la période du carnaval. Donc c'est la sortie de l'hiver, le tout début du printemps. Donc la vitalité qui prend. Et puis, c'est aussi la lutte entre l'animalité, l'ours, et la civilisation. Et lorsque l'ours arrive ensuite sur la place centrale de Prats de Molo, eh bien, il va être récupéré par ceux qu'on appelle les barbiers, qui sont avec de magnifiques blouses blanches, et ils vont leur raser de façon symbolique, non pas la barbe, mais l'ensemble de leur toison, et ils vont en faire des hommes. C'est à la fois un rite de vitalité, puisqu'il y a vraiment les ours sautent sur les femmes quasiment pour les féconder, et cette noirceur correspond vraiment à une... Ils mettent quelque chose d'eux à leur propre surface, à elles, mais en plus, c'est un passage de l'animalité, de la sauvagerie à la civilisation. Donc il y a vraiment deux degrés de lecture différents dans cette fête de l'ours. Et comment le vivent-elles, ces femmes qui participent plus ou moins malgré elles à cette fête de l'ours? Parce que là, effectivement, on a vraiment le point de vue, ce que ça apporte à l'homme comme passage initiatique, mais les femmes sont presque un peu victimes, non? Je les ai interrogées, et c'est un sentiment qui varie énormément en fonction des civilisations. Pour les plus jeunes, actuellement, c'est un jeu. Elles savent très bien qu'il ne va rien leur arriver. Pour les anciennes générations, et là où c'était vraiment beaucoup plus fort, la fête de l'ours, les ours allaient jusqu'à l'intérieur des maisons, et parfois c'était pas des agressions, mais ça allait très très loin. C'était pas un droit de cuissage, mais c'était extrêmement, extrêmement fort. Donc il y a des rituels qui évoluent, c'est ce qu'on entend dans ce que vous nous dites. Certains rituels ne peuvent plus avoir cours. Quand la société évolue, il y a certains rituels plus admis. Oui, c'est un peu édulcoré. C'est-à-dire que le sens existe toujours, mais on ne le réalise plus de la façon avec laquelle ça se passait avant. C'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, je ne sais pas. En l'occurrence, c'est peut-être une bonne chose. D'autres exemples de rituels qui ont cours près de chez nous en Europe, je pense au palio de Sienne dont vous parlez dans votre ouvrage. Oui, le palio de Sienne, là on est à nouveau dans un schéma qui est très agrégatif et qui sert à détruire complètement les oppositions qu'il peut y avoir dans des clans. Ça se passe à Sienne, on est en Toscane, c'est une fête qui a lieu et un rituel qui a lieu depuis le Moyen-Âge où des contrades, c'est-à-dire des clans, des portions de la ville vont s'opposer les unes aux autres. Elles sont tirées au sort et elles vont s'affronter dans une course de cheval accrue, deux tours sur la place centrale de Sienne. C'est un moment qui est très bien organisé où le hasard, normalement, préside, mais en fait le hasard est totalement truqué. Il se décide longtemps à l'avance dans les semaines qui précèdent dans des villas alentour sur le territoire siennois. Et c'est un moment où, en théorie, on fait la paix devant la divinité, le Seigneur chrétien. On fait la paix et celui qui va avoir le droit d'accéder avec son cheval par la porte centrale de la cathédrale sera celui qui gagnera cette course. Néanmoins, la République italienne montre qu'elle est plus importante que tout ceci, car les deux tours de piste des contrades sont précédés par un tour de piste de je dirais pas la garde républicaine, mais les carabinieri qui font le tour avec leur panache, leur prestige. C'est un moment extrêmement rapide, une attente immense et une explosion, pour reprendre l'expression de Frutero et Lucentini, c'est une attente qui dure un an et un orgasme qui dure quelques minutes. Oui. Les rituels se transforment au fil du temps, ils se métissent aussi au fil de l'histoire. Qu'est-ce qui restera de tous ces rituels si on pouvait se donner rendez-vous dans quelques siècles? Est-ce que ces rituels, on les retrouverait ou est-ce qu'on ne les reconnaîtrait même plus? Il y a Difficile question. Il est possible que les rituels, on sait de toute façon qu'ils évoluent, qu'ils changent. On vient de le voir avec la fête de l'ours. Ils s'édulcorent en partie. Parfois, ils agrègent aussi d'autres rituels, d'autres croyances, au fur et à mesure des métissages et des expériences. C'est difficile à dire. Beaucoup de rituels actuels sont des transformations de rituels beaucoup plus anciens. Assister à une messe chrétienne, catholique, romaine interroge beaucoup sur le sens premier du rituel de la messe tel qu'il était pratiqué il y a 2000 ans. Je pense qu'un paléo-chrétien, s'il se rendait à Saint-Pierre de Rome maintenant, ne reconnaîtrait pas du tout ce à quoi il assisterait et se dirait même que c'est une autre religion. Merci Philippe Charlier. Pour en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre « Rituel » aux éditions du Cerf, avec des photos, certaines la plupart inédites, du fonds photographique du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Un grand merci à vous. Merci à vous. Dans un instant, nous partons à la découverte de quelques lieux hors du commun que notre invité Aude de Tocqueville a répertorié dans un atlas des terres sauvages. Et puis dans le désert, quand le jour se levait, j'aurais pas pu dire où s'arrêtait le ciel et où commençait la terre. C'était si beau. À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face, elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levé, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche, et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'était presque de Alain Souchon. Du vent dans les synapses. Nous entrions sur du territoire inconnu, faisant l'histoire à chacun de nos pas. Daniel Fievé. Il y a beaucoup de gaz. Il y a plein de petites cheminées là. Oui, ça part de partout. Ouais. On sent la chaleur d'ailleurs. Oui, on commence à sentir, oui. Donc tout ça, c'est des petites sorties qui sont éphémères et qui sont mortes maintenant. Mais donc là. On en voit d'autres qui se forment. Waouh! C'est magnifique. C'est magnifique. Le jaune, il est. Il souffre, c'est l'enfer. Hein. Ouais, Welcome to hell. Bienvenue en enfer, nous disent ces chercheurs sur le site de Dalol, dans le désert du Danakil, en Éthiopie. Bonjour, Aude de Tocqueville. Bonjour. Le désert du Danakil, voilà un des lieux qui figure en bonne place dans votre atlas des terres sauvages, publié aux éditions Artaud. Décrivez-nous un peu cet endroit. Ce désert du Danakil se trouve au cœur de la dépression de l'Afar, dans la vallée du Rift. Et au cœur de cette dépression de l'Afar, il y a un site qui s'appelle Dalol, qui se trouve à peu près, pour vous situer, à 15 km de l'Érythrée, et qui est vraiment ce qu'on peut appeler l'endroit le plus sauvage, c'est la Terre à ses débuts, disent les scientifiques. Et c'est un endroit totalement saisissant. Quand vous vous y baladez, vous voyez des colonnes de soufre, des geysers d'eau brûlante, une terre qui craquelle, toujours en mouvement parce que c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de mouvements sismiques. Donc c'est un endroit à la fois effrayant et passionnant. Oui, Haroun Taziev, il lui a consacré un ouvrage entier, hein, L'odeur du soufre, c'est le titre qu'il avait donné à cet ouvrage. Eh bien oui, c'était vraiment son sujet. Mais c'est vraiment un endroit étonnamment où il y a encore de la vie. Oui, la vie a réussi à trouver son chemin dans cet univers essentiellement minéral tout de même. Oui, on avait toujours dit avant 2016 que rien ne pouvait survivre ici. Mmh. Imaginez un peu la Lune aussi, vous voyez, comme paysage. Et en 2016, une équipe de chercheurs a trouvé des micro-organismes qui ont prouvé qu'en fait, avec de l'eau, même chaude, même acide, même tellement salée, on pouvait trouver de la vie. Oui, alors dans votre atlas, on trouve deux grandes catégories de lieux. Il y a ces terres presque vierges, un peu impénétrables. Et puis, il y en a d'autres que l'homme a transformées, a rendues lui-même sauvages. Oui, c'est étonnant parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je pensais vraiment écrire sur la nature pure, des déserts immenses, des montagnes inatteignables. Et puis, je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de mal à trouver ces sujets, puisque avec le développement du tourisme au début du 19e siècle, et puis les évolutions technologiques, les endroits inviolés se rétrécissaient comme peau de chagrin. Mmh. Et j'ai découvert que l'homme pouvait recréer des territoires interdits. Mmh. Et ça, c'était assez étonnant. Ah oui. Alors, on va en parler de ces territoires interdits que l'homme a générés. Un mot quand même sur ces terres inconnues, les terres vierges, où quasiment aucun homme n'est encore allé. Il y a la cordillère de Darwin. Alors là, on est à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, en terre de feu chilienne. Et on trouve là une chaîne de montagnes sur laquelle seulement très récemment, des hommes ont réussi à aller. Mais oui, parce que c'est une chaîne de montagnes avec au centre des glaciers immenses. Cette chaîne de montagnes a un climat épouvantable. Vous pouvez avoir des bourrasques de vent à 250 km à l'heure qui arrivent tout de suite. Des changements de température extrêmes. Au XVIe siècle, Magellan y est passé, n'a pas pu arriver. Parce qu'on ne peut pas, sauf en bateau, on ne peut pas atteindre cette cordillère. En fait, c'est la fin de la cordillère des Andes. Oui, c'est vraiment à l'extrême sud du Chili. Et en 2011, pour la première fois, cette cordillère de Darwin a été traversée. Elle ne l'avait jamais été auparavant. C'est ça qui est totalement étonnant. Elle s'appelle Darwin parce que c'est le naturaliste et fameux paléontologue Charles Darwin qui y était passé en 1830. Au large, avec son bateau. Au large, exactement. Et le capitaine du bateau l'avait appelé cette chaîne de montagnes en son honneur, Darwin. Mais personne n'avait pu affronter ce climat, ces glaciers, jusqu'en donc 2011, où une équipe de militaires l'a traversée d'est en ouest pendant 28 jours. Ouais, le groupe militaire de haute montagne qui l'a traversé 150 km en 28 jours. Alors, on en trouve d'autres. L'archipel de Saint Brandon, une île déserte, un peu oubliée. Alors, une île, enfin, on ne sait pas le nombre d'îles, parce que quand la mer est basse, c'est 45 îles, quand la mer est haute, c'est 20 îles. Ouais. C'est un archipel qui se trouve au nord-est de l'île Maurice, qui appartient à l'île Maurice. Et le contraste est quand même étonnant entre ce côté totalement sauvage. C'est un mirage d'îles qui apparaît et disparaît au gré de l'océan, des tempêtes. Et cet archipel est intéressant parce qu'il est carrément inatteignable, puisqu'il y a des récifs très hauts, avec une barrière de corail très dangereuse. Donc, il y a quelques pêcheurs qui ont vécu là, mais c'est resté très sauvage. Voilà pour les quelques lieux isolés sur Terre. Et puis, il y a ces lieux que les humains ont transformés au point d'en faire des zones à part sur Terre, à l'image de la zone d'exclusion de Tchernobyl. C'est un exemple emblématique. Mais oui, tout le monde connaît l'histoire de cette centrale nucléaire qui a explosé en avril 1986. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, 30 ans après, ce qui se passe dans le domaine de la flore et de la faune. Donc aujourd'hui, autour de la centrale, il y a un territoire interdit de 30 km tout autour qui est encerclé de barbelés. Et à l'intérieur, les chercheurs ont vu que la faune s'était développée à une vitesse galopante, 7 fois plus importante que les parcs nationaux qui n'ont pas été contaminés en Ukraine autour. Et cette faune donc vit en toute liberté et dans cet endroit, quand même terrifiant par son histoire, cet endroit devient un laboratoire d'études de retour à la vie sauvage. Avec tout de même quelques mutations. Vous dites certains arbres notamment qui présentent des malformations. Oui, la zone est vraiment remplie de forêts, spécialement des conifères et les aiguilles sont plus petites ou plus longues que normales. Sur ces arbres, il n'y a pas forcément des bourgeons. Les animaux, notamment les oiseaux, ont un ADN très abîmé. Autre site transformé, abîmé par l'homme, le point Nemo. Alors là, on est en plein milieu de l'océan Pacifique. Qu'est-ce que c'est que le point Nemo ? Alors le point Nemo, c'est plutôt une zone d'ailleurs, parce qu'elle fait 22 millions de kilomètres carrés, plus grande que l'ex-URSS, vous imaginez. Et c'est une zone qui a été choisie par les autorités spatiales spatiale pour faire amérir tous les débris des engins spatiaux, des satellites. En fait, c'est un cimetière spatial. Ouais. Plus qu'amérir, en fait, ils viennent, ils coulent, ces débris spatiaux, ces restes de satellites de station Mir, par exemple. Exactement, la station Mir est récemment, en 2018, la station chinoise dont on a beaucoup parlé, parce qu'elle a erré 2 ans dans l'atmosphère avant d'être attirée dans cette zone, et je crois que les Chinois avaient très peur qu'elle ne tombe pas exactement là où il fallait. On sait combien de restes de satellites et de stations spatiales se trouvent à cette zone qu'on appelle le point Nemo ? Tout à fait, entre 250 et 300 débris spatiaux. Ça a abîmé les fonds marins à cet endroit ? Et ça, c'est une bonne question. C'est justement parce que les scientifiques savaient que ces fonds marins à cet endroit-là font à peu près 4 km de profondeur. Et ce sont des fonds qui sont très très pauvres en faune et en flore. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi choisi cet endroit. On peut imaginer tout de même que ça a dû déranger certaines formes de vie. Et puis, il y a parmi ces zones insolites, déroutantes, transformées par l'homme, les souterrains de New York. Là vivent des milliers et des milliers de personnes qui se sont réfugiées là. Oui, ça je crois que c'est l'histoire la plus effrayante de ce livre. Ouais. Il y a à peu près 30 000 personnes qui vivent sous la ville de New York. Et ce sont des vétérans de la guerre du Vietnam, des SDF, des gens en fait que la société américaine, au moment notamment de la crise de 1970, a rejeté. Il y a à peu près 7 niveaux sous terre, ce qui est énorme. Ils habitent dans les restes d'égouts, dans les tunnels, les stations de métro fermées. Quand a-t-on pris conscience que ces personnes vivaient terré dans les bas-fonds de New York? En 1993, quand un écrivain américain a écrit un livre qu'elle a baptisé « Les hommes taupes ». Et tout d'un coup, les New-Yorkais se sont aperçus qu'il y avait un monde, et ça les a totalement effrayés. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant quelques années, jusqu'en 2000, où le maire de New York a décidé d'essayer d'éradiquer ce phénomène un peu effrayant pour lui, mais ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vivent dans ces bas-fonds new-yorkais. Mais oui, plus que jamais. Ouais. Mais ils ne sortent pas, ils ne sortent quasiment jamais. La plupart ne sortent pas. Pour survivre, ils envoient des coursiers à l'extérieur pour rapporter des vivres et ce qui est nécessaire à la vie dans une vie qui est extrêmement violente, évidemment, vous pouvez imaginer. Une dernière destination moins effrayante de votre atlas des terres sauvages, une en France, parce qu'il y en a des destinations dans votre atlas qui recouvrent le sol métropolitain, et une dans Paris, c'est le jardin Saint-Vincent. Oui, j'ai voulu aussi raconter que même à Paris, très urbanisé, il reste un petit endroit qui se trouve au bout du musée de Montmartre, je sais pas si vous voyez, sur la face nord de la butte Montmartre, qui fait à peu près à peine 1 hectare. Dans les années 80, la ville de Paris l'a récupéré, parce que c'était l'ancien jardin en fait de la maison, de l'hôtel particulier où se trouve aujourd'hui le musée de Montmartre. Et la ville de Paris a décidé d'en faire une friche urbaine et a gardé cet endroit complètement vierge de toute introduction de la main humaine. Mmh. C'est-à-dire que tout pousse comme ça. Il y a une centaine d'espèces de plantes, il y a une cinquantaine d'espèces animales et on peut à peine le visiter. Ouais, et c'est un observatoire. En fait, on regarde comment la biodiversité reprend ses droits quand on la laisse tranquille, même en pleine ville. Exactement. Et il n'y a pas de jardinier de Paris qui vienne s'en occuper. Alors ça se visite quand même. Hein. Vous dites on n'intervient pas du tout. Ça se visite quelques dimanches par an avec des spécialistes de la flore et de l'écologie, et j'imagine avec beaucoup de prudence également. Et puis un dernier clin d'œil, c'est que sur ce site, Georges Cuvier, en son temps, au 19e siècle, avait identifié des traces fossiles de poissons et de crocodiles, vestiges d'une faune pour le coup réellement sauvage qui a vécu là. Donc une terre sauvage, ça évolue dans le temps. Ben oui, et c'est vraiment un clin d'œil de l'histoire de cette friche urbaine. Et maintenant, vous pouvez voir ces fossiles, d'ailleurs, qui sont au musée du Jardin des Plantes. Merci, Aude de Tocqueville. Et je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Artaud, Atlas des terres sauvages, avec une très jolie préface de Jean-Paul Kaufmann. Merci à vous. Merci. Et merci, amis auditrices et amis auditeurs, pour les messages que vous nous laissez sur notre page Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles découvertes. Et après le flash, vous aurez le plaisir de retrouver Jean-François Zigel et sa preuve par Z. C'était une rediffusion de l'émission Du vent dans les synapses. Pour aider les collégiens et les lycéens à étudier, France Inter propose une sélection de podcasts reprenant les programmes scolaires, notamment en matière de sciences. Rendez-vous pour cela sur franceinter.fr.